Si bon Dieu t'a tourné moins en fait. Monte que mon day changé mon tis oiseau. Les soirs les matins t'es que fini. Monte que content ouais tout à l'en tout moins. Si bon Dieu t'a tourné moins en fait. Monte que mon day changé mon tis oiseau. Les soirs les matins t'es que fini. Moi t'es que content, ouais, tout à l'heure, tout moins. Mais mon savent qui tout ça, c'est seulement en rêve qui ça qu'arrivé. Passe-moi bien désolé, les deux choux passés sont venus, ouais, moins cher. Avant la rosée, petit matin. Mon beauté, mon teke, ouvre pétale, moi. Mon teke, si fier que choisis, moi. Qui, mon teke, offert tout nectar en moi. Quand bien remarqué, ouh.